avoke Bilima koji Fwela mwen gouve Bilima koji Mwen yabo wambato Dike chaloupe Bato atele navige Bilima koji Twota Kouverna e la kase On le si tia Batele mwen mou kapando Batele mwen mou wala deri Batele mwen mou kapando Hey, hey.